parole. De la parole. De la voix humaine, de la voix humaine, de la voix humaine. Toutes les syllabes possibles, toutes les syllabes possibles. Toutes les syllabes possibles. Les annonces par voie synthétique. Les annonces par voie synthétique. Plus assurées et plus autoritaires. Par le sol.